Je rêveur de ne plus rêver, et aux enfants de ne plus jouer. Il faut se yako silica mia, talisa chance et alibala naïo. Dis à la rivière de ne plus couler, mais ne dis pas mon cœur de ne plus t'aimer. Via ponalingio, bonio, comme il compensa. Oh, Sam. kola na landa yo Seigneur ngaina kolela ria hey. Ah la la la vie il faut vivre yeah ria bona Amour est comme un canapinat, et Bélissaka, moto, parfois, il y a des rages de vinaïo, batte la banane, au bébé santé, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, Sala niño, o sala canapuza, toca buena canción, toca buena canción. Leave.

Kintum Kariki.